Je suis là. Pas beaucoup de voix, mais je suis là. 374, t'as crié hier. Ouais. 374, c'est le numéro de cette émission Pyongyang City Rockers qui recommence et qui est avec vous jusqu'à 21h sur l'antenne du Campus 106,6 avec ce soir Gaël, dont vous entendez juste à l'instant la sublime voix. Je vais essayer. Ouais. Non, ça devrait aller. Et puis il y a Jamie aussi. Mais ouais, mais tu t'es cormis au mauvais micro. Ouais, putain. Ça y est, non, non, c'est bon. Il était au bon micro, ouais. C'est toi qui étais au mauvais potard. Ouais. Oh, il y a l'autre là. Donc je vais pas faire le hurleur parce que ça va faire marche mal ça, à ses oreilles. Ouais, ouais. Non, faut. Et puis en plus de ça, après ça fait ça des... Ça fait du rouge après. Ça fait du rouge sur les voyants, c'est puis après on se fait engueuler. C'est affreux, vous êtes bien sûr Radio Campus, hein, il y a le matériel marche, donc là, 6,6. On est content. Ah. Je commence tout de suite. Ouais, je commence tout de suite avec un truc qui va passer vendredi au CCL. Il y aura des groupes locaux, Gutter, Chlore et Mere Mortals. Et puis il y aura un groupe de Bordeaux, Bombardement, qui sera là pour vous faire bénéficier de son 10 bits de la mort. Voici justement Bombardement avec Immondice, boum. Non plus. Ça y est, on est déjà en train de s'écharper sur le truc qui a passé après, et puis du coup, on va rester à Bordeaux. Hein ? Ouais, rien qu'en traînant. Ouais, enfin, si tu veux. Rien qu'en traînant à Bordeaux. Ouais. Tu peux traîner là, si tu veux. Ouais, moi je vais vous passer un classique. Caméra Silence. Identité. Alors, c'est sorti un 1er janvier 1987, à ce qui paraît. Ouais, pas 1er janvier, à mon avis. Ils se rappelaient plus de la date, donc ils ont mis 1er janvier, mais en 87. Ouais. En 87, donc. C'est une date convertie par l'informatique. Faut jamais croire l'informatique. Ouais, je me suis laissé couillonner. on est tous à cet enseigne-là, tu sais. Ouais. Et tu demandais tout à l'heure quel label. Je crois que c'est de l'autoproduction, mais distribué par Neurose. Ok, bah t'avais... Donc maintenant, ils sont plus distribués. Bah après, c'est euthanasie. L'euro, ça n'existe plus. Puis après, c'est euthanasie qui ont pris le relais. Donc. Bon. Yes. Caméra... Identité, c'est notre identité, ouais. Si tu veux. Allez, ouais. Moi je suis chaud. Après l'immondice ouais. Identité. Comme chez Bio. Ouais. Chez Bio. We'll be right back. il reste encore 7 secondes. C'est un vrai fade out. C'est bon, ça. Hein. Ouais. Merci, Jamie. Alors, moi, je vais rester un peu dans la même lignée. Ouais, t'as pas encore passé la reprise de 8-6 crew. Non, si, t'as passé la reprise de 8-6 crew, mais pas celle de frustration. Bon, d'accord, je vais vous la passer, mais j'ai un... Qu'est-ce qui t'engueule comme ça? Bah, les gens, ils râlent. Ils disent, te passe 8-6 crew, mais pas fru-fru. C'est des Français qui râlent. C'est pas des Belges. Ils disent fru-fru, ouais, c'est ouais. Des Français. Bon, bah, je vais vous passer alors mes gens. Alors, voilà le dernier morceau de frustration en date. Une reprise de Camera Silence, qui n'a jamais été enregistrée par le groupe. C'est dispo sur un 7 pouces sold out à sa sortie. Bah, on écoute ça tout de suite, le morceau... Histoire d'un soir sur Radio Campus Lille 106,6. C'est presque de la hoï, mais ça n'est pas. C'est du frufru. À la fin qui revient jusqu'au bout, tac. Voilà, pour ceux qui disent ouais, ça n'a rien à voir avec Camera Silence, ouais. Ben si, mais ils ont retrouvé deux morceaux, enfin ou plus, hein, sur une cassette de répète qui avait été enregistrée par Ty Luke à l'époque. Et donc, c'est des morceaux qui devaient être très certainement enregistrés. Ça ressemble un peu plus à du Camera Silence deuxième époque, ouais. Comme tu nous as passé tout à l'heure là. Ouais. Donc, c'était peut-être la suite, la continuité de ce qu'on aurait dû avoir. Ah ouais. Et puis c'est plutôt pas mal réalisé. Finalement, par 8-6 Crew, ouais. Et Frufru. Youpi. Voilà. Ouais. Yes. Ah, on dit frufru tout à l'heure, c'est frustration. Hein. Tapez pas frufru sur internet, vous trouverez rien. Hein. Eh, va savoir. Tiens, j'ai jamais essayé. Je vais essayer après. Pour l'instant, ouais, putain, mais moi, il y a un truc, mais c'est hallucinant ce qui se passe en ce moment-là. Vous avez vu le superbe flyer pour annoncer l'émission de ce soir. Et rien n'est inventé dedans. Hein, ouais, non, vraiment, le Trump a vraiment dit, pendant qu'il était en conférence de presse avec Netanyahou, que, en fait, il allait mettre la main sur Gaza pour en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Et d'ailleurs, en fait, il disait que les États-Unis veulent prendre la main sur la bande de Gaza. Donc là, apparemment, l'autre, il faisait la gueule. Il n'avait pas prévu ça. Mais bon, on verra comment ça se déroule par rapport à ça. Moi, je m'en fous. Hein, ils peuvent s'entretuer. Hein. On va attendre que l'envoyé spécial Val vienne la semaine prochaine. Elle a pas mal de choses à raconter sur les États-Unis parce qu'on a une amie qui vit là-bas et qui nous dit tous les jours ce qui se passe. Il y a des trucs de ouf. Ouais, bah, j'en ai déjà lu quelques-uns, là, mais elle m'en a appris quelques-uns l'autre fois quand je discutais avec, grâce à l'informatique à laquelle il ne faut pas faire confiance. Et donc, ouais, quand même, le truc, c'est que, bon, là, carrément, les mecs, ils se font même pas chier. Ils disent, ouais, carrément, bah, bon, c'est bon, il faut virer tout le monde, les envoyer, je sais pas, en Jordanie, en Égypte et tout ça. Bien sûr, les Palestiniens, dont la plupart maintenant sont... Enfin, les Gazaouis sont la plupart maintenant déplacés dans des camps, etc., disent bien sûr quand ils sont interviewés par des chaînes de télé ou de radio que bah non, on va rester là. Donc faut croire que la guerre n'est pas finie. Je rappelle donc qu'il y a pas mal d'initiatives qui ont été prises par un peu tout le monde dans le milieu punk, DIY, machin, dont cette compilation Bats for Palestine qui est sortie par les gens de Toulouse, de Trait d'Union, compilation qui dispose sur traitdunion.bandcamp.com, elle est à prix libre, mais il faut quand même payer parce que les bénévoles vont à un collectif qui s'appelle palestinevaincra.com, c'est le nom de leur site web, et je rappelle que le boycott des produits israéliens, qui est expliqué sur le site de Palestine Vaincra, là, et aussi boycott des entreprises qui soutiennent le génocide, de ce boycott tient toujours, entre autres il y a Carrefour, Hewlett Packard, HP, vous savez les imprimantes qui marchent pas là, McDonald's, les hamburgers pourris, et BNP Paribas, le banquier qui t'entube, tous ces gens, plus d'autres, ceux-là entre autres, mais plein d'autres sont. Il y a un boycott qui est déclaré. Voilà, allez faire vos courses chez Auchan, allez manger chez Quick. Ouais, exactement. Hein. Personnellement, non, mais voilà. apparemment, Auchan, c'est autre chose. Auchan, eux. Mulier, ils laissent leur magasin tourner en Russie. Mais par contre, ils ont moins la main dans les trucs israéliens. Bon, voilà. Et si vous voulez bien imprimer, prenez Epson. Voilà, Lexmark, encore pire. Bref, il y a plus d'informations sur ces histoires de boycott sur le site de palestinevaincra.com. Sur cette compile, là, il y a deux groupes du Nord là, qui absolument, font je vais en passer un maintenant. Une reprise des Wipers, titre original de 83. C'est par-dessus bord, au départ c'était Over the Edge, je crois, c'est un titre des Wipers. Donc, ouais. Qui a été repris par Hole, par Nirvana, et maintenant par Bingo Crépuscule. Bingo Crépuscule. Youpi, wow. Donc à retrouver sur cette compile Bats for Palestine. Bingo Crépuscule. Je vois, ils se foutent juste de moi. L'original, mais c'est quand même, ils sont super fidèles à l'original et c'est bien rendu, quoi. Hein, ouais. Avec les paroles en français. Bon, en même temps, quand on reprend ce genre de groupe, autant rester fidèle parce que si on, si on s'écarte un peu trop, faut le faire en 8 bits ou alors, ouais. Je sais pas. Pour ça que Frufru se permet de reprendre Caméra Silène sur des morceaux qu'on ne connaît pas. Okay. Comme ça, ils ont toute la liberté. Ouais. Voilà. Bah, faut permettez-vous. Tu vas te permettre un truc Ouais, je vais me permettre un truc là. Pour me tout. Je vais passer un Comintern Sect. Encore ? Ouais. En plus, c'est le même EP sur les ruines des nations. Dernier EP en date ? Ouais, du... Bon, l'année dernière. Ouais, 19-11-2024. Il note les dates. Hein, tu peux dire l'heure maintenant... précise ou pas ? Je crois qu'il est sorti à 10h du matin, celui-ci. Je peux te dire la durée du EP. Ouais, ok. Si tu veux. 13-52. Alors, ça devient Discogs là. Non, c'est un EP ou un maxi single, c'est quoi, Stéphane? Oh, allez, on va dire que c'est un EP 4 titres, 13,52. C'est un EP. Allez. Moi, je vais passer Le Destin. Qui sera pas le nôtre, si? Non. Ouais. Bah, écoutez les paroles, vous saurez. Voilà. Bon, niveau, c'est pour ceux qui galèrent et tout. Voilà quoi. C'est la virée des soifs. C'est la galère. Ah, hein. Bon, allez, comme une terme. Le Destin. Pour nous et tous nos frères, tant pis si Ouais, c'est après ça. Bon, quoi que c'était. Bah, groupe basque encore. On vient d'écouter le morceau Eten de Brigade Loco, le groupe de Bergara au Pays Basque. C'est un morceau qu'on retrouve que sur le réseau social de vidéo YouTube. Pas d'autres infos, mis à part que le groupe est plutôt actif niveau « Je ponds des morceaux sur YouTube » en ce moment. Ils ont déjà sorti deux morceaux pour une trilogie qui se terminera ce vendredi. Donc soyez à l'affût si vous aimez ce genre de musique. Voilà, voilà, c'était Brigade Loco. Youpi, t'as vu, il y a quelqu'un qui nous rend visite. Bonsoir Thibaut. Hello, ça va ou quoi? T'as plein de musique. Ouais, grave. C'est bien. Dans le tchiet. Il est arrivé, il y avait déjà son éco-cup plein de bière. Hein. On se demande d'où tu sors, tu sais, je te jure. Hein. Je t'en rendez-vous d'affaires au kebab. Alors, tu vas en Belgique ou pas, toi, non? Ouais, ça arrive, ouais, dans parfois. Pas longtemps, ouais, tu vas faire avec Violence Banalisée, vous allez faire un concert avec Urban Deprimé. Ah ouais, je mets du GPL aussi. Et puis l'autre tout seul, là, comment il s'appelle? Non, pas l'autre tout seul, hors contrôle. Hors contrôle. Hors contrôle, il est tout seul. Si, maintenant il est tout seul. Je crois qu'il est tout seul, ouais. Ouais. Bah ouais, attends, d'accord. Vas-y. Je me suis renseigné avant de venir. Bah après, c'est. Et c'est quand ça? C'est le 30 mars, 30 mars quand même. On a le temps. Ouais, bah attends, on en reparlera. sinon, pour la Belgique, bon, c'est fini là. Non, c'est les FAF qui sont au pouvoir, comme en France, quoi. C'est un FAF. C'est pas les. Enfin, un FAF. Mais de toute façon, les FAF sont présents en Belgique, de l'autre côté de la frontière linguistique. Ouais. En Flandre. Il paraît que 0,4% même, en Wallonie. Ouais. Mais il paraît que même certains partis qui essayent de se faire passer pour centristes en Wallonie, quand même, ils acceptent dans leur rang des gens qui sont quand même bien. En fait, c'est le MR. Ouais, le MR, ça, ouais. C'est pas Mouvement Républicain ou quoi que ce soit, c'est l'équivalent. C'est un réformateur plutôt. C'est ça, Mouvement Réformateur, mais c'est le Macron, quoi, de là-bas. Macron, facho, quoi. Et, et ils ont accepté les gens d'un petit parti qui s'appelle Chez Nous, qui est plutôt très, très, très, très à droite. Ils sont chez eux. Et c'est eux qui représentent un petit peu des 0,4%, parce qu'il y a eux, il y a Nation, il y a. Donc, bref, ils ne représentent rien du tout. Donc, maintenant, ils ont été. Voilà. Mais du coup, maintenant, ils ont un porte-voix en étant acceptés au sein de MR. C'est ça. C'est marrant, on dirait les trucs qui se passent en France. C'est un peu toujours pareil. Hein. T'as des types, on sait, ils ne représentent personne. Et puis finalement, ils arrivent à conquérir les médias parce qu'on leur fait une place. Et puis, pas nous, on ne leur fait pas la place ici, hein, à Campus. Hein. C'est un peu ce qui se passe à Bruxelles. À Bruxelles, les Flamands doivent occuper 4 ou 5% de la population. Ouais. Mais par contre, ils ont un ministre flamand au même niveau que le ministre wallon, alors que le wallon représente 95% bah, voilà. des personnes. Donc 5% peuvent dire non, enfin peuvent barrer la route à 95 autres pourcents. C'est la dure loi de la démocratie en système capitaliste, cher ami. C'est pas facile la politique en Belgique. Mais il paraît qu'en France c'est plus compliqué qu'ailleurs. Et puis en fait, quand tu regardes dans tous les autres pays, ils disent tous la même chose en fait. Ouais, mais regardez ailleurs, c'est plus simple. Et en Belgique aussi, je suis sûr, ils disent ouais, chez nous c'est compliqué. Regardez dans les autres pays, c'est plus simple. Ils le savent, hein, c'est le pays du compromis. Ouais. C'est le pays qui est resté un an et demi sans gouvernement où tout allait bien. Tout allait bien. Ouais, mieux qu'en France en tout cas. Dans le capitalisme quoi. Bon, eh bien pour rappeler qu'en Flandre, il n'y a pas que des abrutis, il y a aussi des gens bien, je vous passe un bon vieux groupe de Malines, Mechelen. Enfin maintenant, je ne sais pas s'ils sont... Ouais, je pense qu'ils sont toujours dans ce coin-là. Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont toujours signalés par le fait qu'ils buvaient beaucoup. Et si tu bois beaucoup, il vaut mieux rester à proximité du bistrot que tu connais bien. Donc à l'époque, ils faisaient beaucoup de pubs pour Jupiler. Et puis à côté de ça, ils voulaient aussi boire de la vodka. C'est Bejana Sociality qui existe toujours. Ah oui. Mais ouais. Bon, maintenant, c'est devenu un peu plus groupe vraiment de bistrot et de baloche. Mais à l'époque. Groupe pas très regardant avec qui ils jouent aussi. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, c'est la dernière fois que j'en passe. Alors Bejana Sociality avec vodka sur Campus 106,6, parce que j'ai oublié de le dire. Donc je le répète, c'est Campus 106,6. Comme ça, j'ai bon. J'ai dit le nombre de fois qu'il fallait faire. Campus.com. Et .com, et machin, et poète, et Benjan, Associality, vodka. Equal vodka. Wij zijn samen 11 maanden oud en wij worden wel eens vervolgd. Miep, miep. Et ben voilà, c'était un deuxième titre de Benjamin Sociality, Mip Mip. Mip Mip. Bah, c'est hyper politique et mip, tout. Mip enfin, et Moyotte. Oui, c'est ça. Bon, moi c'est, je vais... C'est le moment de l'Irlande ou... Ouais, bah ouais, je me rends compte de là, je me dis merde, j'ai pas passé un truc de l'Irlande. Après le morceau basque, le morceau irlandais. Ouais. Important. Alors, ça va être The Rum Jack et Ken Casey de Dropkick Murphys. Et la chanson, c'est Code Like This, c'est sorti le 17 janvier. Wow, c'est récent. 2025 Ouais, 2025. Dis donc. Et c'est le troisième single en dehors du nouvel album qui arrive en 2025, de Rum Jack. Bon. Bien. Kazé, qui est le seul chanteur de Dropkick Murphys actuellement. L'autre, il est parti s'occuper de sa maman. Oui, ah ouais. Je crois que t'en avais parlé déjà ici. Ouais. Ouais. Bon, bref. Maintenant, je sais pas s'il reviendra. Ouais. On verra bien. Bon, allez. Ouais. Run ben... Jax avec Kazé. Ouais, 106,6. Oi. To a squad. I've never known cold like this. Should I hear the banshees sing? You can thaw my body by the turn of spring. Death would be such a beautiful thing. I've never known cold like this. fade out. Toujours. Ouais. Ça a fade out, ça ? Non, c'est la note qui se termine. Ouais, c'est ça les instruments analogiques. Hein. On gère pas au millième de seconde près. Hein. Ouais. Allez, moi je vais rester pas loin de Boston. Enfin, Boston pour caser, hein, parce que je sais pas d'où sont Rum Jacks. Avec un groupe Oi de Montréal, avec des membres de Street Troopers, On the Streets of Montreal, Union Maid, Vagabond, Shock Troops et Sons of Pride, qui abordent le paradoxe d'être vieux dans une sous-culture de jeunes. Les périples de la vie d'adulte et certains sujets classiques du punk. Le tout en français et en anglais, avec quelques touches hardcore et street punk. Ça sort le 27 février sur le label nantais Une Vie Pour Rien. Le morceau que je vais vous passer est celui qui ouvrira cet album qui portera le nom de Older Not Wiser. Le morceau, c'est Conformist Pawn. Je ne comprenais pas ce que ça voulait vraiment dire. J'ai demandé à Nico, le chanteur, et il m'a dit qu'en anglais, c'était utilisé pour définir quelqu'un de manipulable et sacrifiable. Voilà, c'est tout de suite sur Pyongyang City Rockers, 106,6, tout ça. Oui. You don't have to run. 20h45 sur l'antenne de Radio Campus 106,6 et Pyongyang 015 numéro 374. Et voici venir le moment de l'historique du punk rock. Vice Creams, vous connaissez? Non. Non, c'est 5 jeunes punks de Aylesbury, c'est quelque part là, au nord-ouest de Londres. Ils font un premier single en juin 78, au moment où vraiment ça pète encore bien. Après, bah, ils arrivent c'est à faire... C'est déjà mort, non? Hein? C'est déjà mort? Oui, bah, oui bien sûr. Enfin, les Sex Pistols sont déjà plus là. Voilà, exactement. Mais ils étaient encore là. Et donc, ils font des concerts en veux-tu en voilà un peu partout. Ils côtoient des grosses pointures, genre Adverts, Lurkers, qui étaient déjà morts aussi, mais qui faisaient encore des concerts à ce moment-là. Bref, la veille de repasser en studio pour enregistrer leur deuxième single, qui déjà devait être produit par Mick Jones des Clash. Bon, c'est un petit groupe comme ça qui essaye de prospérer. Il y en a 3 sur les 5 du groupe qui décident de se barrer. Le bassiste et le chanteur. Donc c'est un peu compliqué. Mais non, pas de problème. En remplacement, ils trouvent vite quelques copains qui vivotent dans la musique. Tony James de Génération X à la basse. Topper Hayden, le batteur de Clash. Et puis Mick Jones, le guitariste chanteur de Clash. Bah, voilà. Limite, les deux autres étaient déjà contents que les 3 autres se soient barrés. Ouais, je pense. Donc ils obtiennent du coup un superbe single qui sonne comme du vrai Clash. C'est quand même assez étonnant. Et qui a son petit succès. Et en plus, tendez l'oreille parce qu'apparemment, il y avait des copains qui étaient venus faire les chœurs, dont Billy Idol. Il y avait Billy Idol. Qui était dans les chœurs. Voici donc Danger Love 78, les Vice Creams. Fini tout ça. Ouais, alors, Clash ou pas Clash? Ouais, carrément Clash. Oui, ouais. Ah ouais, quand ultra même. Clash. Ah, youpi. On va casse dédier ce morceau à Erwanius Balconus. Bah ouais, attends, il nous envoie des messages. 100 milliards de bisous de Bretagne. C'est trop. Bah, kiffe bien, gros. Ah, gros, c'est comme ça qu'on appelle les gens. Bon, si t'es breton, tu dois comprendre. Ouais. Jambo, à toi. Ouais, on va écouter Zone Infinie ce soir. Ce soir. Ouais. Ok. Alors, le morceau, c'est en plan. Alors, c'est enregistré et mixé en 2021, mais c'est paru le 1er mai 1968. Jimmy devient le boss des dates. Monsieur date. Franchement. Là, faisais pas l'écho avec Jambo, parce que si tu te trompes d'un jour, il va te remettre à ta place. Non. Là, c'est mai 68. Mai 68, très bonne période. Me laisse pas. En plan, voilà, sur Radio Campus. Lead. C'est reggae. Tu sais bien comment c'est. On attend. Les heures deviennent des jours. On attend si longtemps. Je serais bien trop liquide et aussi bien trop speed. Ne me laisse pas, oh non, ne me laisse pas en plan. Oh non, là tu fous quoi là, sérieux. J'en étais où, putain. Attends, attends quand même. Ah tu veux pas. Ça fait la peur. Ça va, je le vire si je veux. D'accord, bah vire-le, c'est en tout. En plan, c'était Zone Infinie sur le 106,6. Yes. Émission Pyongyang City Rockers. Ouais. Alors, il y a quelques semaines, les Navarrais de Streetwise ont publié leur morceau hommage à un artiste basque qui s'appelle, je vous le donne dans le mille, Fermin Muguruza. Pas celui-là, Valencia. Ils ont repris le morceau Chanchangoria, qui est une chanson populaire basque qui a été interdite pendant le franquisme, comme tout ce qui était basque d'ailleurs, Warum. Et qui a été popularisé par donc Fermin Valencia, qui est toujours en activité. En ce qui concerne les paroles, c'est très intéressant quand on comprend le basque, parce que, comme toute la poésie de l'époque du franquisme, elle est très métaphorique. Comme ici, à la fin de la chanson, « Chachangoria lenguile capitalista alcate », ce qui signifie les rouges-gorges travailleurs avec un maire capitaliste. J'ai grisé un petit parti de mon texte parce que... Non, non, c'est le truc d'après. Là. Parce que je ne sais pas vraiment comment expliquer ça avec des diverses traductions, même en demandant aux icos du groupe, c'est difficile de comprendre ce qu'ils veulent dire. Bref, pendant toute la chanson, ils répètent « Zizare butsan batengatikan prezo daramate », ce qui signifie « Il l'emmène en prison à cause d'un ver de terre ». Cela signifie qu'ils envoient des gens en prison parce qu'ils volent la nourriture, tout comme le chanchangoria, donc le rouge-gorge, volerait des vers à droite à gauche pour se nourrir. Ah ouais, voilà. C'est ça. Alors, ça devrait sortir sur une compilation navarraise, compilation hommage donc à Fermín Valencia. On ne sait pas quand ça sortira, parce que c'est Schmeck de Rotten qui est derrière ce projet, et à ce qui paraît avec lui, on ne sait jamais quand ça finira. En attendant les prochaines tueries du groupe Streetwise, on écoute donc cette reprise de Fermín Valencia. Vous connaissez maintenant un autre Fermín, je l'ai dit à cette fois. Hein. Ouais, Chachangolia, Streetwise, Osasuna. Oui. C'est fini. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas passé à un Sleaford Mods. C'est tweet, tweet, tweet pour vous dire qu'il faut aussi se barrer de Twitter. Hein. Le boycott, c'est dans tous les sens actuellement. Je sais pas, sur Mostodon. Tu trouves rien. Faut que ça t'arrive tout cuit dans le bec, comme le rouge-gorge. Il nous reste 30 secondes pour dire au revoir. C'est fini le 374 de Pyongyang City Rockers. On se retrouve la semaine prochaine pour la 375e. 375. Oui. On vous dit au revoir. Il y a plein d'émissions qu'il faut écouter sur Campus. Et puis on n'oublie pas en attendant. Et allez, d'un cake. This is a human race. UKIP and your disgrace. Chopped heads on London streets. Radio Campus, il est 21h.